Paragraphe deuxième, mon milieu d'idées. Les influences diverses que je viens de résumer un peu abstraitement, mais dans des termes que vous comprendrez, vous, mon cher maître, eurent ce premier résultat, inattendu, de faire de moi, entre ma 11e et ma 15e année, un enfant très pieux. Vraisemblablement, si j'avais été mis au collège comme interne, j'aurais grandi, pareil à ceux de mes camarades que j'ai pu étudier depuis et pour lesquels la crise religieuse n'a pas existé. À l'époque dont je parle, et qui marqua l'avènement définitif du Parti démocratique en France, une grande vague de libre-pensée roula de Paris sur toute la province. Mais j'étais le fils d'une femme très dévote, et je fus soumis à toutes les pratiques de la religion la plus sévère. Je trouve une preuve de ce que je vous ai raconté sur mon goût précoce de la dissection intime dans ce fait que je me sentis, au rebours de tous mes compagnons du catéchisme, séduit d'une manière presque passionnée par la confession. Oui, je peux dire que durant les 4 années de ma crise mystique d'adolescent, de 1876 à 1880, les grands événements de ma vie furent ces longues séances dans l'étroite guérite en bois de l'église des Minimes, notre paroisse, où j'allais tous les 15 jours m'agenouiller et parler à voix basse, le cœur battant de ce qui se passait en moi. L'approche de ma première communion marque la naissance de cette sensation du confessionnal, toute mélangée d'éléments contradictoires, car je croyais, et par suite mes petits péchés m'apparaissaient comme de vrais crimes, et de les avouer me faisait honte. Je me repentais et j'avais la certitude que je me relèverais pardonné avec le délice d'une conscience lavée de toutes ces tâches. J'étais un enfant imaginatif et nerveux. Il y avait donc pour moi, dans le décor du sacrement, dans le silence froid de l'église, dans cette odeur de caveau et d'encens qui la remplissait, dans le balbutiement de ma propre voix disant « mon père », dans le chuchotement de la voix du prêtre répondant « mon fils », par derrière le grillage, une poésie de mystère que je percevais sans la comprendre encore. Il s'y joignait aussi une singulière impression d'effroi qui dérivait de l'enseignement donné par l'abbé Martel, le prêtre chargé de nous préparer à cette première communion. C'était un homme petit et court, de face apoplectique, avec un regard sombre et d'un bleu dur. Dans ce large et rouge visage, qui avait été élevé dans un séminaire de province encore pénétré de jansénisme. Ses yeux, quand il nous parlait de l'enfer, dans l'étroite sacristie des Minimes où ils nous réunissaient, avec leurs prunelles brillantes et soudain fixes, avaient des visions d'épouvante, et cette épouvante, il nous la communiquait. J'en arrive à me réjouir qu'il soit mort, car je le verrais entrer dans ma prison, et qui sait, peut-être subirais-je une récurrence des émotions de terreur que sa présence m'infligeait dans cette salle aux murs blanchis à la chaux, meublée de chaises de paille et de vieux bahuts en bois bruni. Le thème habituel de ses discours était le petit nombre des élus et la vengeance divine. « Qui empêcherait Dieu, disait ce prêtre, puisqu'il est tout-puissant, de contraindre l'âme de celui qui meurt à rester près du corps dont elle se sépare ? L'âme serait là, dans la chambre mortuaire, entendant les sanglots, voyant les larmes des proches, et lui serait défendu de les consoler. » Elle serait emprisonnée dans le cercueil et là, obligée pendant des jours et des jours, des nuits et des nuits, d'assister à la corruption de cette chair qui fut la sienne parmi les vers et la pourriture. Des images pareilles et de cette férocité d'invention abondaient sur sa bouche amère. Elle me poursuivait dans mon sommeil. La peur de l'enfer s'exaltait en moi jusqu'à la folie. D'autre part, l'abbé Martel déployait la même éloquence à nous célébrer l'importance décisive qu'aurait pour notre salut cette approche de la Sainte Table. Et par suite, ma crainte des supplices éternels aboutissait à des examens de conscience d'un scrupule infini. Bientôt, ces examens intimes, ce regard jeté à la loupe sur mes moindres détours de pensée, cette scrutation continue de mon être le plus caché, m'intéressèrent à un degré tel que l'attrait de n'importe quel jeu devint nul à côté. J'avais trouvé pour la première fois depuis la disparition de mon père un emploi à ce pouvoir d'analyse déjà définitif, presque constitutif en moi. Le développement donné ainsi à mon sens aigu de la vie intérieure aurait dû aboutir à une amélioration de mon être moral. Il eut au contraire pour conséquence une subtilité qui par elle seule était déjà une corruption, du moins au point de vue de la stricte discipline catholique. Je devins en effet, au cours de ces examens de conscience, où il entra bien vite plus de plaisir que de repentir, extrêmement ingénieux à découvrir des motifs singuliers derrière mes actions les plus simples. L'abbé Martel n'était pas un psychologue assez fin pour discerner cette nuance, et pour comprendre que de me déchiqueter ainsi l'âme me conduisait tout droit à préférer aux simplicités de la vertu les fuyantes complications du péché. Il n'y reconnaissait que le zèle d'un enfant très fervent. Par exemple, au matin de ma première communion, il me vit arriver auprès de lui tout en larmes, et je lui demandai à me confesser une fois encore. En tournant et retournant le fond et le tréfond de ma mémoire, je m'étais découvert un bizarre péché de respect humain. J'avais, 6 semaines auparavant, entendu 2 de mes camarades se moquer, à la porte du lycée, d'une vieille dame qui entrait dans l'église des Carmes, juste en face. J'avais ri de leurs propos au lieu de les relever. La vieille dame allait à la messe. S'en moquer, c'était donc se moquer d'une action pieuse. J'avais ri. Pourquoi ? Par fausse honte de protester contre ce scandale. Donc j'y avais participé. N'était-il pas de mon devoir d'aller trouver les 2 moqueurs et de leur rappeler leur impiété en les engageant à s'en repentir ? Je ne l'avais pas fait. Pourquoi ? Par fausse honte encore, par respect humain, d'après les définitions même du catéchisme. Je passai toute la nuit qui précéda le grand jour de la première communion à me demander avec agonie si je pourrais rejoindre M. l'abbé Martel le lendemain assez à temps pour lui dire ce péché. Je me souviens du sourire avec lequel il tapota ma joue après m'avoir donné l'absolution pour me calmer. J'entends le ton de sa voix devenue douce et me disant « Puisses-tu rester toujours pareil ?» Il ne se doutait pas que ce scrupule puéril était le signe d'une réflexion maladivement exagérée, ni que cette réflexion allait m'empoisonner les délices ardemment souhaités de l'Eucharistie. Je ne m'étais pas contenté, au cours des semaines précédentes, de m'analyser la conscience jusqu'aux moindres fibres. Je m'étais abandonné à cette imagination anticipée du sentiment qui est la conséquence forcée de cet esprit d'analyse. Je m'étais donc figuré, avec une précision extrême, les sentiments que j'éprouverais en recevant l'hostie sur mes lèvres. J'avançais vers la nappe blanche drapée sur la grille de l'autel avec une tension de tout mon être que je n'ai jamais retrouvée depuis, et j'éprouvais en communiant une espèce de déception glaçante, une défaillance devant l'extase dont je ne peux pas traduire le malaise. J'ai raconté plus tard cette impression sans analogue à un camarade resté très chrétien qui m'a dit « Tu n'étais pas assez simple ». Sa piété lui avait donné le coup d'œil d'un profond observateur. C'était trop vrai, mais qui pouvais-je ? Le grand événement de mon adolescence, qui fut la perte de ma foi, ne date pourtant pas de cette déception. Les causes qui déterminèrent cette perte furent très nombreuses, et je ne les comprends nettement qu'aujourd'hui. Il y en eut tout d'abord de lentes, de progressives, qui agirent sur mon âme comme le ver sur le fruit, dévorant l'intérieur, sans que le dehors garde un autre signe de ce ravage qu'une petite tache presque invisible sur la pourpre de la belle écorce. La première fut, me semble-t-il, l'application à mon confesseur de ce terrible esprit critique, faculté destructrice de toute confiance, qui m'avait dès mon enfance séparé de ma mère. Je continuais à pousser jusqu'aux plus fines, aux plus ténues délicatesses mes examens de conscience. Et l'abbé Martel continuait à ne pas même apercevoir ce travail de torture secrète qui m'anatomisait toute l'âme. Mes scrupules lui paraissaient ce qu'ils étaient en fait, des enfantillages. Mais c'étaient les enfantillages d'un garçon très complexe et qui ne pouvait être dirigé que si on lui donnait la sensation d'être compris. J'en arrivais bientôt à éprouver dans mes entretiens avec ce prêtre rude et primitif la sensation contraire, celle de l'inintelligence. Ce n'était pas de quoi m'empêcher de remplir mes devoirs religieux. C'était assez pour enlever à ce directeur de ma première jeunesse toute véritable autorité sur ma pensée. En même temps, et c'est une seconde d'entre les causes qui m'ont détaché de l'Église, je retrouvais chez les hommes que je considérais alors comme supérieurs la même indifférence à l'endroit des pratiques religieuses que j'avais tout petit remarquée chez mon père. Je savais que les jeunes professeurs, ceux qui nous venaient de Paris avec le prestige d'avoir traversé l'école normale, étaient tous des sceptiques et des athées. J'entendais ces mots prononcés par l'abbé Martel avec une indignation concentrée dans les visites qu'il rendait à ma mère. Involontairement, je réfléchissais, en accompagnant cette dernière aux offices des minimes, comme jadis aux Capucins, sur la pauvreté d'esprit des dévotes qui se pressaient à la messe le dimanche matin et marmonnaient leurs prières dans le silence de la cérémonie, coupé du bruit des chaises déplacées par la loueuse. dans ses fronts qui se baissaient avec un mouvement de ferveur si soumise à l'élévation, jamais une idée vive et claire n'avait allumé sa flamme. Je ne me formulais pas ce contraste avec cette netteté, mais j'évoquais, malgré moi, en regard, l'image de ces jeunes maîtres sortant du lycée d'un pied dégagé, causant les uns avec les autres d'une conversation que j'imaginais pareille à celle que mon père me tenait autrefois, où les moindres phrases étaient chargées de science, et un esprit de doute grandissait en moi sur la valeur intellectuelle des croyances catholiques. Cette défiance fut alimentée par une espèce d'ambition naïve qui me faisait souhaiter, avec une ardeur incroyable, d'être aussi intelligent que les plus intelligents, de ne pas végéter parmi ceux du second rang. Il entrait bien de l'orgueil dans ce désir, je me l'avoue aujourd'hui, mais je ne rougis pas de cet orgueil. Il était tout intellectuel, entièrement étranger à une convoitise quelconque de succès extérieur. Et puis, si je me tiens encore debout à l'heure présente, et dans l'affreux drame de ma destinée, c'est à cet orgueil encore que je le dois. C'est lui qui me permet de vous montrer mon passé avec cette lucidité froide, au lieu de courir, comme ferait un vulgaire accusé, aux événements tapageurs de ce drame. Je vois si bien, moi, que les premières scènes de la tragédie ont commencé dès lors dans le collégien Palot en qui s'agitait le jeune homme d'aujourd'hui. La troisième des causes qui concoururent à cette lente désagrégation de ma foi chrétienne fut la découverte de la littérature contemporaine qui date de ma 14e année. Voici dans quelles circonstances. Je vous ai raconté comment ma mère m'avait, peu de temps après la mort de mon père, supprimé un certain nombre de livres. Elle ne s'était pas relâchée de cette sévérité avec le temps, et la clé de la bibliothèque paternelle continuait à cliqueter sur l'anneau d'acier de son trousseau entre celle de l'office et celle de la cave. Le résultat le plus net de cette défense fut d'aviver encore le charme du souvenir que m'avaient laissé ces volumes feuilletés autrefois longuement, les pièces à demi comprises de Shakespeare, les romans à demi oubliés de George Sand. Le hasard voulut que je rencontrasse, au commencement de ma troisième, quelques échantillons de la poésie moderne dans le livre d'auteurs français qui devait servir aux études de cette année-là. Il y avait là des fragments de Lamartine, une dizaine de pièces de Hugo, les stances à la Malibran d'Alfred de Musset, quelques morceaux de Sainte-Beuve et de Lecomte de Lisle. Ces pages, 200 environ, me suffirent pour apprécier la différence absolue d'inspiration entre les modernes et les maîtres anciens, comme on apprécie la différence d'arôme entre un bouquet de roses et un bouquet de lilas les yeux fermés. Elle réside tout entière, cette différence que je devinais par un instinct irraisonné, dans ce fait que, jusqu'à la Révolution, les écrivains n'ont jamais pris la sensibilité comme matière et comme règle unique de leurs œuvres. C'est le contraire depuis 89. De là résulte chez les nouveaux un je ne sais quoi d'effréné, de douloureux, une recherche de l'émotion morale et physique qui a été s'exaspérant jusqu'au morbide et qui tout de suite m'attira d'un attrait irrésistible. La sensualité mystique des stances du lac et du crucifix, l'éclat chatoyant de plusieurs orientales me fascinèrent, mais surtout je fus séduit à en avoir des battements de cœur parce qu'ils traînent de coupables dans l'éloquence de l'espoir en Dieu et de quelques fragments des consolations. Ces fuyantes complications du péché dont je vous parlais tout à l'heure, je les pressentis par-delà les morceaux choisis de mon livre de classe, et je commençais d'avoir pour le reste des œuvres des maîtres ainsi devinées une de ces curiosités d'imagination qui sont si fortes vers le milieu de l'adolescence, lorsqu'on est sur le bord de la vie et qu'on l'entend sans la voir, comme la rumeur d'une chute d'eau à travers un bouquet d'arbres. Une relation d'amitié avec un camarade qui habitait au premier étage de ma maison exaspéra encore cette curiosité. Cet ami, que je devais perdre trop jeune et qui s'appelait Émile, était aussi un liseur acharné, mais qui, plus heureux que moi, ne subissait aucune surveillance. Son père et sa mère, âgés déjà, vivaient sur de petites rentes et passaient les longues heures de leur journée à jouer devant la fenêtre qui regardait la rue de Billard, d'interminables parties de mariage avec un jeu de cartes acheté dans un café et qui sentait le tabac à me tourner le cœur. Émile, lui, seul dans sa chambre, pouvait s'abandonner à toutes les fantaisies de ses lectures. Comme nous étions dans la même classe, que nous allions au lycée ensemble et que nous en revenions de même, ma mère me permettait volontiers de passer des heures entières chez ce charmant enfant auquel je fis bientôt partager mon goût pour les vers que j'admirais si vivement et mon désir d'en mieux connaître les auteurs. Nous suivions, pour nous rendre en classe, les rues étroites de la vieille ville et nous passions devant l'étalage d'un vieux libraire auquel nous avions acheté quelques ouvrages classiques d'occasion. Que devînmes-nous en découvrant dans une des cases du bonhomme un Musset en assez mauvais état, les volumes de poésie, qui coûtaient 40 sous les deux, ils étaient si usés, si maculés. Nous commençâmes par les feuilleter, puis il nous devint impossible de ne pas les acheter. En réunissant nos 2 semaines, nous arrivâmes à les emporter, et c'est là, dans la petite chambre d'Émile, assis, sur son lit, moi, sur une chaise, que nous lûmes Don Paez, Les Marrons du Feu, Portia, Mardoche, Rolla, moi, tout tremblant, comme d'une grosse faute, et nous nous laissions envahir par cette poésie comme par un vin, longuement, doucement, passionnément. J'ai eu depuis entre les mains, dans cette même chambre d'Émile et dans la mienne propre, grâce à des ruses d'amants en danger, bien des volumes clandestins et que j'ai bien aimés, depuis La peau de chagrin de Balzac jusqu'aux Fleurs du mal de Baudelaire, sans parler des poèmes de Henry Heine et des romans de Stendhal. Je n'ai jamais éprouvé d'émotion comparable à celle de ma première rencontre avec le génie de l'auteur de Rolla. Je n'étais ni un artiste, ni un historien. La valeur plus ou moins haute de ces vers, leur signification plus ou moins actuelle, me laissait donc indifférent. Non, ce fut un frère aîné qui venait me révéler à moi, chétif encore, et qui n'avait pas vécu l'univers dangereux de l'expérience sentimentale. Ce que j'avais senti obscurément, cette infériorité intellectuelle de la piété par rapport à l'impiété, m'a paru alors, sous un jour, étrangement nouveau. Toutes les vertus que l'on m'avait prêchées durant mon enfance s'appauvrirent, se mesquinisèrent, si humbles, si grêles, à côté des splendeurs, de l'opulence, de la poésie de certaines fautes. La foi toute simple, c'était ces dévotes amies de ma mère si tristement racornies et vieillottes. L'impiété, c'était ce beau jeune homme qui, au matin de sa dernière nuit, regarde la sanglante aurore et, dans un éclair, découvre tout l'horizon de l'histoire et des légendes pour revenir ensuite appuyer sa tête sur le sein d'une fille belle comme son plus beau songe et qu'il aime trop tard. La chasteté, le mariage, c'était les bourgeois que je connaissais, qui allaient à la musique du jardin des plantes, le jeudi et le dimanche, qui disaient du même ton les mêmes phrases. Mon imagination me dessinait en regard, éclairé par les couleurs chimériques de la poésie la plus brûlante, les visages des libertins et des adultères des contes d'Espagne et des fragments qui suivent. C'était Dalti tuant le mari de Portia, puis errant avec sa maîtresse sur l'eau morte de la lagune entre les escaliers des palais antiques. C'était Don Paez assassinant Juana après s'être enlacé à elle dans une étreinte affolée par le filtre. Franck et sa belle Color, Hassan et sa Namuna, Lapecacio et sa Susan. Je n'étais pas capable de critiquer la fausseté romantique de tout ce décor, ni de faire le départ entre les portions sincères et les portions littéraires de ces poèmes. Les profondeurs scélérates de l'âme m'apparaissaient à travers les lignes et elles me tentaient, elles attiraient en moi l'esprit déjà curieux de sensations nouvelles, la faculté d'analyse déjà trop éveillée. Les autres livres, dont je vous ai cité les titres tout à l'heure, furent pour moi des prétextes à une tentation analogue, quoique moins forte. Devant les plaies du cœur humain que les uns et les autres étalent avec tant de complaisance, j'ai ressemblé dès ma 15e année, si invraisemblable cela soit-il, à ces saints du Moyen-Âge qu'hypnotisaient la contemplation des blessures du Sauveur. La force de leur piété faisait apparaître sur leurs mains les stigmates miraculeux, et moi, mon ardeur d'admiration m'a ouvert sur l'âme, à l'âge des saintes ignorances et des puretés immaculées, les stigmates des ulcères moraux dont saignèrent tous les grands malades modernes. Oui, dans ces années où je n'étais encore et toujours que le collégien, ami du petit Émile et qui se cachait de sa mère pour ses lectures, je me suis assimilé en pensée toutes les émotions que l'enseignement de mes maîtres m'indiquait comme les plus criminelles. Ma rêverie s'est repue des poisons les plus dangereux de la vie, tandis que je continuais, grâce à ma puissance native de dédoublement, à jouer le personnage d'un enfant très sage, très assidu à ses devoirs, très soumis à sa mère et très pieux. Mais non, si bizarre que cela doive vous sembler, je ne jouais pas ce personnage. Je l'étais aussi, avec une contradiction spontanée qui peut-être m'a mis sur la voie du travail psychologique auquel j'ai consacré mes premiers efforts. Quand j'ai rencontré dans votre ouvrage sur la volonté ces suggestives indications sur la théorie de la multiplicité du moi, comment n'y aurais-je pas adhéré aussitôt après avoir traversé des époques comme celles que je vous décris aujourd'hui et dans lesquelles j'étais réellement plusieurs êtres. Cette crise de sensibilité imaginative avait donc continué d'attaquer en moi la foi religieuse en me donnant la tentation du péché subtil et celle aussi du scepticisme douloureux. La crise de sensualité qui en résulta faillit raviver cette foi dans mon cœur déjà très malade. Je cessais d'être pur à 17 ans, et comme il arrive d'habitude, dans des conditions très prosaïques et très tristes. Une ouvrière d'environ 30 ans, assez grosse et commune, qui venait chez ma mère, se trouvant une après-midi seule avec moi, profita de la circonstance pour m'attirer auprès d'elle et me donner des baisers qui m'affolèrent. Elle me demanda de venir chez elle, et la fièvre que ses caresses avaient allumée en moi, jointe à une palpitante curiosité des choses de la chair éveillée par mes lectures, me fit aller à ce rendez-vous. Là, dans une chambre de hasard, sur un lit au gros drap de calicot rude, je perdis ma virginité entre les bras de cette fille dans les yeux de laquelle l'idée de mon innocence physique allumait un si bestial éclat qu'elle me fit peur. La chose ne fut pas plutôt faite que je m'enfuis de cette chambre avec un dégoût inexprimable. Il me semblait que mes mains, que ma bouche, que tout mon corps étaient souillés d'une souillure qu'aucune eau ne laverait. Ma première action fut d'aller me confesser et d'implorer du Dieu auquel je croyais encore la force de ne pas recommencer. Ce dégoût persista pendant plusieurs jours, et puis je constatais, avec un mélange d'épouvante et de volupté, que le désir s'y insinuait petit à petit, et c'est alors que je pus observer ce trait de mon caractère que je vous ai signalé en vous parlant de mon père. Cette incapacité à me servir de mes idées pour me diriger et me dominer. J'eus beau dresser, contre la honte d'une nouvelle chute dans l'abîme des sens, et les convictions encore intactes de ma piété et les délicatesses de mon imagination cultivée par tant de lectures, j'eus beau me dire que cela était à la fois infâme et commun, coupable et trivial, que je ressemblais ainsi à mes camarades les plus méprisés, par Émile et par moi, ceux qui passaient leur jeudi au café ou chez les filles. Un soir, vers 20h, je sortis de la maison sous prétexte d'un mal de tête. Oui, c'était un soir d'été, et je respire encore l'odeur de poussière mouillée qui flottait sur la place de Jaude arrosée de l'après-midi. Je m'acheminai vers le faubourg de Saint-Alyre où demeurait Marianne, c'était le nom de la créature, avec l'angoisse qu'elle ne fut pas chez elle. Je la trouvai dans sa pauvre chambre, et cette seconde fois fut la première où je m'abandonnai vraiment au délire animal, quitte à me retirer en proie au même mortel dégoût. Dès lors, à côté des deux autres personnes qui vivaient déjà en moi, entre l'adolescent encore fervent, régulier, pieux, et l'adolescent romanesquement imaginatif, un troisième individu naquit et grandit, un sensuel, tourmenté des désirs les plus bassement brutaux. Toutefois, le goût de la vie intellectuelle subsistait en moi, si fort, si définitif, que tout en souffrant de cet état singulier, j'éprouvais une sensation de supériorité à le constater, à l'étudier. Ce qu'il y avait de plus étrange, c'est que je ne m'abandonnais pas à cette dernière disposition plus qu'aux trois autres, avec une claire et lucide conscience. Je demeurais un adolescent à travers ces troubles, c'est-à-dire un être encore incertain, inachevé, en qui s'ébauchaient les linéaments de mon âme à venir. Je ne m'affirmais ni dans mon mysticisme, puisqu'au fond, tout au fond, j'avais honte de croire, comme d'une infériorité, ni dans mes imaginations sentimentales, puisque je les considérais comme de simples jeux de littérature, ni dans ma sensualité, puisque j'avais la nausée au sortir de la chambre de Marianne. Et d'autre part, je n'avais ni l'audace, ni la théorie de ma curiosité à l'égard de mes fautes. C'était dans l'été de ma rhétorique. Émile, qui devait mourir l'hiver suivant de la poitrine, était déjà bien malade et ne sortait plus guère. Il m'écoutait lui faire mes confidences avec un intérêt effrayé qui flattait mon amour-propre en me donnant à mes propres yeux une allure d'exception. Cet amour-propre ne m'empêchait pas d'avoir moi-même peur, comme à la veille de ma première communion, du regard que l'abbé Martel me jetait maintenant quand il me rencontrait. Il avait sans doute parlé à ma mère dans la mesure où le lui permettait le secret du confessionnal, car elle surveillait mes sorties, mais sans pouvoir les empêcher tout à fait, et surtout sans y voir autre chose que des causes possibles de tentation, tant je continuais à m'envelopper d'hypocrisie. Cette maladie de mon meilleur ami, cette surveillance de ma mère, l'appréhension des yeux du prêtre achevaient de m'énerver, d'autant plus que dans ce pays de volcans, il semble que les chaleurs d'été fasse sortir du sol une vapeur plus ardente, plus grisante. J'ai connu, dans ces moments-là, des journées littéralement folles, tant elles renfermaient en elles d'heures contradictoires, des journées où je me levais, plus fervent chrétien que jamais. Je lisais un peu d'imitation, je priais, j'allais à ma classe avec le ferme propos d'être parfaitement régulier et sage. Sitôt rentré, je faisais mes devoirs, puis je descendais voir Émile. Nous nous livrions alors ensemble à quelques lectures troublantes. Son père et sa mère, qui le voyaient mourir et qui le gâtaient, lui laissaient prendre chez le libraire tous les ouvrages qui lui plaisaient, et nous en étions maintenant aux plus modernes, à ceux d'aujourd'hui, dont les volumes, arrivés tout récemment de Paris, exhalaient une odeur de papier frais et d'encre neuve. Nous nous procurions ainsi un frisson du cerveau qui m'accompagnait toute l'après-midi, et cependant je retournais en classe. Là, dans l'étouffante chaleur du milieu du jour, tandis que les portes ouvertes sur la cour laissaient voir l'ombre courte des arbres, et aussi que l'on entendait des voix lointaines de professeurs dictant des devoirs, l'image de Marianne s'offrait à moi, et une tentation commençait, d'abord lointaine et vague, qui allait, grandissant, grandissant. J'y résistais, tout en sachant que j'y succomberais, comme si de lutter contre mon obscur désir m'en faisait davantage sentir la force et l'acuité. Je rentrais. L'image impure me poursuivait. Je dépêchais mes devoirs avec une sorte de verve endiablée, trouvant du talent dans le désarroi de mes nerfs trop vibrants. Je dînais, la bouche desséchée par l'ardeur de sensualité qui à présent me brûlait. Je descendais sous le prétexte de revoir Émile et je me précipitais vers la rue de Marianne. Je retrouvais auprès d'elle la sensation brutale, cuisante et âpre, suivie d'une nausée si étrange. Et revenu, il m'arrivait de passer des heures à ma fenêtre, regardant les étoiles de la vaste nuit d'été, me souvenant de mon père mort et de ce qu'il me disait jadis sur ces mondes lointains. Alors, une extraordinaire impression du mystère de la nature me saisissait, du mystère de toute âme, de mon âme à moi, vivante dans cette nature, et je ne sais ce que j'admirais le plus, des profondeurs de ce ciel taciturne ou des abîmes qu'une journée ainsi employée me révélait dans mon cœur. Telles étaient mes dispositions intérieures, mon cher maître, lorsque j'entrais dans celle de mes classes qui devait être décisive pour mon développement, la philosophie. Dès les premières semaines du cours, mon ravissement commença. Quel cours, cependant, et combien empâté de fatras de la psychologie classique. N'importe, inexacte et incomplète, officielle et conventionnelle, cette psychologie me passionna. La méthode employée, la réflexion personnelle et l'analyse intime, l'objet à étudier, le moi humain considéré dans ses facultés et ses passions, le résultat cherché, un système d'idées générales capable de résumer en de brèves formules un vaste tas de phénomènes, tout dans cette science nouvelle s'harmonisait trop bien avec le genre d'esprit que mon hérédité, mon éducation et mes propres tendances m'avaient façonné. J'en oubliais jusqu'à mes lectures favorites, et je me plongeais dans ces travaux d'un ordre encore inconnu avec d'autant plus de frénésie que la mort d'Émile, de mon unique ami, survenu à cette époque, vint imposer une fois de plus à mon intelligence si naturellement méditative ce problème de la destinée que je me sentais déjà presque impuissant à résoudre par ma foi première. Mon ardeur fut si vive que bientôt je ne me contentais plus de suivre mon cours. Je cherchais des ouvrages à côté qui pussent compléter l'enseignement du maître, et c'est ainsi que je tombai un jour sur la psychologie de Dieu. Elle me frappa si profondément que je pris aussitôt la théorie des passions et l'anatomie de la volonté. Ce fut, dans le domaine des idées pures, le même coup de foudre que jadis avec les œuvres de Musset dans le domaine des sensations rêvées. Le voile tomba, les ténèbres du monde extérieur et intérieur s'éclairèrent. J'avais trouvé ma voie, j'étais votre élève. Pour vous expliquer d'une façon très nette comment votre pensée pénétra la mienne, permettez-moi de passer tout de suite au résultat de cette lecture et des méditations qui la suivirent. Vous verrez comment je pus tirer de vos ouvrages une éthique complète et qui coordonna d'une manière merveilleuse les éléments épars qui flottaient en moi. Je rencontrai d'abord dans le premier de ces trois ouvrages, La psychologie de Dieu, un apaisement définitif à cette angoisse religieuse dans laquelle je continuais de vivre malgré les tentations de mes doutes. Certes, les objections contre les dogmes ne m'avaient pas manqué depuis que je lisais au hasard tant de livres dont beaucoup manifestaient la plus audacieuse irréligion. Et surtout, je m'étais senti attiré vers le scepticisme, comme je vous l'ai dit, parce que je lui trouvais un double caractère de supériorité intellectuelle et de nouveauté sentimentale. J'avais subi, entre autres influences, celle de l'auteur de la vie de Jésus, la magie exquise de son style, la grâce souveraine de son dilettantisme, la poésie langoureuse de sa pieuse impiété, m'avaient remué profondément. Mais je n'étais pas pour rien le fils d'un géomètre, et je n'avais pas été satisfait de ce qu'il y a d'incertain, de nuancé jusqu'à l'à peu près, dans cet incomparable artiste. C'est la rigueur mathématique de votre livre à vous, mon cher maître, qui s'empara aussitôt de ma pensée. Vous me démontriez à la fois avec une dialectique irrésistible que toute hypothèse sur la cause première est un non-sens, l'idée même de cette cause première une absurdité, et que néanmoins ce non-sens et cette absurdité sont aussi nécessaires à notre esprit que l'illusion à nos yeux d'un soleil en train de tourner autour de la Terre, quoique nous sachions que ce soleil est immobile et que cette Terre est en mouvement. La toute-puissante ingéniosité de ce raisonnement ravit mon intelligence, qui, s'abandonnant docilement à votre conduite, en arriva enfin à une vision du monde lucide et rationnel. J'aperçus l'univers tel qu'il est, et penchant sans commencement et sans but le flot inépuisable de ses phénomènes. Le soin que vous avez eu d'appuyer toutes vos argumentations sur des faits empruntés à la science correspondait trop bien aux lointains enseignements de mon père pour ne pas me séduire par cela aussi, par ce charme d'une ancienne habitude d'esprit pratiquée à nouveau après des années. Je lisais et je relisais vos pages, les résumant, les commentant et m'appliquant avec l'ardeur d'un néophyte à m'en assimiler tout le suc. L'orgueil intellectuel que j'avais senti remuer en moi dès mon enfance s'exaltait dans le jeune homme qui apprenait de vous le renoncement aux plus douces, aux plus consolantes utopies. Ah, comment vous raconter ces fièvres d'une initiation qui fut pareille à un premier amour par les félicités de l'enthousiasme et ses ferveurs. J'avais comme une joie physique à renverser, vos livres à la main, tout l'édifice des croyances où j'avais grandi. Oui, c'était la mâle félicité qu'a célébrée Lucrèce, celle de la négation libératrice, et non pas la lâche mélancolie d'un joug froid. Cet hymne à la science, dont chacune de vos pages est comme une strophe, je l'écoutais avec un ravissement qui fut d'autant plus intense que la faculté d'analyse, principale raison de ma piété, pouvait à s'exercer grâce à vous avec une autre ampleur qu'au confessionnal et que vos deux grands traités m'éclairaient sur mon univers intérieur, en même temps que la psychologie de Dieu m'éclairait sur l'univers extérieur d'une lumière qui même aujourd'hui est mon dernier, mon inextinguible fanal dans la tempête. Toutes les incohérences de ma jeunesse, en effet, comme vous me les expliquiez. Cette solitude morale dont j'avais tant souffert auprès de ma mère, auprès de l'abbé Martel, auprès de mes camarades, de tous, même d'Émile, je la comprenais maintenant. Dans votre théorie des passions, n'avez-vous pas démontré que nous sommes impuissants à sortir du moi et que toute relation entre deux êtres repose sur l'illusion comme le reste? Ces chutes des sens dont j'avais eu des remords si atroces, votre anatomie de la volonté m'en révélait les motifs nécessaires, l'inéluctable logique. Les complications que je m'étais reprochées en m'y attardant, comme un manque de franchise, vous me les faisiez reconnaître comme la loi même d'existence de notre personne. Je m'en rendais compte aussi, grâce à vous, qu'en recherchant dans les romanciers et les poètes de ce siècle des états de l'âme coupable et morbide, j'avais, sans m'en douter, suivi une vocation innée de psychologue. N'est-ce pas vous qui avez écrit « Toutes les âmes doivent être considérées par le savant comme des expériences instituées par la nature. Parmi ces expériences, les unes sont utiles à la société et l'on prononce alors le mot de vertu, les autres nuisibles et l'on prononce le mot de vice ou de crime. Ces dernières sont pourtant les plus significatives et il manquerait un élément essentiel à la science de l'esprit si Néron, par exemple, ou tel tyran italien du XVe siècle n'avait pas existé. » Par ces chaudes journées d'été, je me revois partant en promenade, un de ses livres dans la poche, et une fois seul dans la campagne, lisant quelqu'une de ses phrases et m'exaltant à en méditer le sens. J'appliquais au paysage qui m'environnait cette interprétation philosophique de ce qu'il est convenu d'appeler le mal. Sans doute, les éruptions qui avaient soulevé la chaîne des dômes, au pied desquels j'errais ainsi, avaient dû dévaster de lave brûlante la plaine avoisinante, et détruire des êtres, et pourtant, elles avaient produit cette magnificence d'horizon qui me ravissait quand mes yeux contemplaient la croupe gracieuse du Pariou, le Puy de Dôme et toute la ligne de ces nobles montagnes. Il y avait, le long des chemins, des euphorbes en fleurs, dont je brisais les tiges pour voir le poison en dégoutter, blanc comme du lait. Mais ces fleurs vénéneuses nourrissaient la belle chenille titimale, verte avec des taches sombres, et un papillon en devait naître, un sphinx aux ailes colorées, des plus fines nuances. Parfois une vipère glissait entre les pierres de ces routes poudreuses, que je regardais aller, grise parmi les cailloux gris, avec sa tête plate et la souplesse de son corps tacheté. La dangereuse bête m'apparaissait comme la preuve vivante de l'indifférence de cette nature qui n'a d'autre souci que de multiplier la vie, bienfaisante ou meurtrière, avec la même inépuisable prodigalité. Je sentais alors, avec une force inexprimable, se dégager de ces choses la même leçon que de vos œuvres, à savoir que nous n'avons rien à nous que nous-mêmes, que le moi seul est réel, que cette nature nous ignore, comme les hommes, qu'à elle, comme à eux, nous n'avons rien à demander, sinon des prétextes à sentir ou à penser. Mes vieilles croyances, en un Dieu père et juge, me semblaient des songes d'enfants malades, et je me dilatais jusqu'aux extrêmes limites du vaste paysage, jusqu'aux profondeurs de l'immense ciel vide, en songeant que moi, chétif, j'avais assez réfléchi déjà pour comprendre de ce monde ce qu'aucun des paysans que je voyais passer ne comprendrait jamais. Ils venaient de la montagne, conduisant leur grand chariot attelé de bœufs paisibles, et ils saluaient les croix dévotement. Avec quelle délice je les méprisais dans mon cœur de leur grossière superstition, eux et l'abbé Martel et ma mère, quoique je ne me fusse pas encore décidé à déclarer mon athéisme, prévoyant trop quelle scène cette déclaration provoquerait. Mais ces scènes n'importent guère, et j'arrive maintenant à l'exposer d'un drame qui n'aurait pas de sens si je ne vous avais fait entrer d'abord dans l'intime de ma pensée et de sa formation.